qui est un texte qui est paru dans l'autre journal en mai 1990 et qui a été édité en brochure anonymement et trouvable sur InfoKiosque. Et je vous présenterai ensuite un deuxième article qui vient celui-ci du journal en ligne nommé L'Autre Quotidien, qui est très chouette par ailleurs. Et cet article s'intitule « Bergame, le massacre que le patronat n'a pas voulu éviter ». Et je vous propose de rester ensuite avec nous pour la petite énigme finale de fin d'émission. Mais avant tout ça, avant de rejoindre Dylan, je vous propose de retrouver les copains, c'est les Hijinx Delegation qui ont joué à deux sur leur terrasse confinée pour la deuxième émission de Pandémique début avril par Chloé. Alors merci Chloé pour le partage. Et ensuite, ce sera suivi directement d'une petite revue de presse 100% mainstream, supportée par In China, des confettis, et Après la guerre, des brochettes. Thank you. c'est cool. Nous mettrons par ailleurs en place à court terme un système de perception immédiate des amendes. Je dois vous le dire, nous ne sommes plus au niveau de la prévention. Le respect des règles est fondamental. Il est indispensable que tout le monde joue le jeu sérieusement. Et aucune sortie de la crise de civilisation que nous vivons actuellement qui se fera sans les institutions de l'État social telles qu'elles existent. Donc l'État social, c'est la condition nécessaire. De l'aide, des renforts et vite, les maisons de repos appellent à l'aide. La situation se dégrade jour après jour. l'armée, la protection civile et tout le personnel médical disponible sont priés de venir. Après la prison de Lantin vendredi soir, c'est à la prison de Jiamouyou que la crise sanitaire a créé de grosses tensions. Hier en fin de journée, une vingtaine de détenus ont refusé de quitter le préau et ont lancé des feux dans différentes parties du bâtiment. Les travailleurs saisonniers viennent souvent d'étrangers et avec cette crise et la fermeture des frontières, ils sont absents. Le conseil pourrait donc autoriser le secteur à employer des migrants comme travailleurs saisonniers. 联系地址上海市四平路1777号. Vendredi soir, un jeune homme de 19 ans est décédé après une course-poursuite avec la police. Adil circulait en scooter lorsqu'il a percuté à pleine vitesse un véhicule de police qui venait en contresens. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Bonjour, ici Dylan de la Distro La Pinothèque. Cette intervention est une collaboration entre Tranche d'Anard et Radio Pandémique pour relayer l'initiative de la grève des loyers. Depuis quelques années, les loyers ne font qu'augmenter en Belgique, notamment à Bruxelles, où ça devient de plus en plus difficile de se loger et donc d'habiter. Dans le contexte de la crise liée au coronavirus, on a pu voir que le gouvernement est en train d'aider les entreprises dans la perte de leurs bénéfices et que les banques soulagent les proprios qui sont endettés. Mais qu'en est-il des locataires? Rappelons-nous que suite aux mesures de confinement, il y a plus ou moins 1 million de personnes en Belgique qui vont être privées d'une partie importante, si pas de la totalité de leurs revenus. Et quoi, ce serait aux locataires de payer la crise? Il se passe quoi par rapport au loyer? Donc j'en viens à l'initiative de la grève des loyers. Elle propose d'annuler le paiement des loyers, ou de le réduire, en tout cas pendant la période de confinement, au moins pendant la période de confinement, et d'interdire les expulsions locatives au moins pendant un an. Et puis du coup, avec cette initiative, bah, peut-être d'en profiter pour aller plus loin, pour remettre en question le système qui crée du profit sur les logements. Moi j'irai plus loin en espérant que ce soit une occasion pour remettre en question l'ensemble du capitalisme. Mais ça c'est mon propos. Voilà, donc petit aparté complètement lié avec l'histoire des loyers. C'est quand même dingue, non? Cette histoire de loyer. Pour moi en tout cas, c'est la plus haute expression de l'exploitation. Celle qu'on voit tous, quoi. Parce que quand on paye un loyer, c'est cru à dire, mais on jette de l'argent par la fenêtre. Le proprio à qui on paye, il a sa maison lui appartient, et bien souvent il en a plusieurs. Il nous suce directement notre travail, pour sa vie à lui, pour sa baraque. Et quand bien même il aurait soi-disant besoin de notre loyer pour rembourser son emprunt à la banque, et bien c'est nous qui remboursons son emprunt à la banque. Et au final, si lui veut qu'on parte, voilà, bon, il y a le contrat, il peut pas nous virer du jour au lendemain. Mais on s'en va, et puis sa maison, elle est à lui, et pas à nous, quoi. Nous, on paye son emprunt, dans le pire des cas, sinon on paye juste sa maison, on paye son revenu. Voilà, ce système, je vous apprends sans doute pas grand-chose, mais ce système-là, il est dégueulasse, et quand on sait qu'en moyenne, on paye au moins la moitié, si pas plus, de notre revenu, de notre salaire, il va dans le loyer. Voilà, je tenais à resoulever ce système dégueulasse qui fonctionne comme ça. Et donc de dire bravo à l'initiative de la grève des loyers. Pour la petite histoire, c'est une initiative qui part de locataires en galère et en colère, qui ont du mal à payer leur loyer en ce moment. Ces locataires ont été rejoints par des personnes qui sont actives dans le droit au logement, et ensemble, ils et elles proposent de nourrir un rapport de force collectif pour faire appliquer l'accès au logement pour tout le monde. Et donc l'objectif de la démarche de la grève des loyers, c'est l'annulation du paiement des loyers pendant le confinement et l'interdiction des locatives au moins pendant un an. Voilà. Facile quoi. Hein? Non, mais concrètement, c'est plusieurs choses le plan. Donc le site grèvedesloyers.be propose toute une série de choses, dont une première pour entamer la grève des loyers, c'est d'écrire au proprio pour lui demander d'annuler ou de réduire notre loyer. Donc cette lettre-là, elle permet de se protéger un petit peu. Voilà, le juge de paix sera sans doute un peu plus clément avec nous si on prévient notre proprio qu'on va annuler ou réduire notre loyer parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Et donc c'est déjà une première démarche qu'on peut faire. Après, quelle que soit la réponse, à chacun de choisir s'il autoréduit son loyer, s'il le suspend complètement, ou s'il continue à le payer comme avant. Mais je tiens à pointer le doigt sur cette lettre, parce que du coup il y a des exemples de lettres type sur le site grèvedesloyers.be. Et en fait, au maximum on est à écrire cette lettre, au plus on peut générer un rapport de force collectif pour faire comprendre au proprio que c'est pas à nous de payer la crise, quoi. Et en plus, c'est une démarche de solidarité aussi envers les personnes qui ne savent tout simplement pas payer leur loyer. Et donc j'invite vraiment un maximum de gens à écrire cette lettre, que notre salaire ait été réduit ou pas. Cette lettre type, elle commence par expliquer, introduire un petit peu les difficultés de paiement, la crise, etc. Et dans cette lettre, on spécifie aussi qu'on s'inscrit dans un mouvement plus large de grève des loyers, qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc, dans cette lettre, il n'y a rien à justifier. Vous pouvez ajouter une fiche de paye ou de salaire, etc. Mais en fait, y a pas, c'est pas nécessaire de le faire. Et comme dirait un camarade, ce serait plutôt au proprio à justifier qu'il a besoin de notre salaire, de notre loyer, pour survivre. Quand bien même il le ferait, comme je l'ai dit, c'est dégueulasse. Mais la majorité d'entre eux ont plusieurs maisons et n'ont pas besoin de ce loyer qu'on paye. En proprio, à moi, il a 6 maisons, par exemple. Sur le site, on peut aussi trouver, du coup, une caisse de grève pour alimenter les démarches juridiques des personnes qui se lanceront dans la grève complète de leur loyer. Et donc, on peut alimenter cette caisse avec de l'argent, quoi. Il y a aussi une pétition en ligne pour demander l'interdiction des expulsions locatives et solidariser avec toutes les personnes qui feront grève. Il y a aussi de l'info légale, des conseils juridiques. Et il y a la proposition de créer des comités de voisins, des comités anti-expulsion dans chaque quartier à Bruxelles et ailleurs en Belgique. Et donc, voilà, si on ne connaît pas trop de voisins qui sont à Donf, ben en fait, on peut écrire à l'adresse des initiateurs de cette démarche qui est grève des loyers Belgique. @riseup.net et du coup cette adresse propose de après se mettre en lien avec les autres personnes de son quartier qui seraient motivées pour créer des comités anti-expulsion. Voilà, je rappelle le site grève-tes-loyers.be. Et maintenant, on va s'écouter la révolte dans les villes de sages comme des sauvages. La révolte dans les villes, c'est bien difficile, ça waïle. Mais c'est bien plus beau d'Ali, d'Aladi, à Dadi, que de se plaindre au bistrot. Ah, on y va, les caissières, les grands-mères, les cheminots, les quartiers, les chômeurs, les bobos, à Athènes ou à Bordeaux, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Saint-Denis-la-Réunion. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui compte encore sur son héritage. Si elle est pas sage, elle le touchera pas. Elle hésite encore à s'embrouiller avec papa, papa, les patrons des grandes usines et leurs larmes de crocodile. Font bien avoir peur d'Ali, d'Aladi, à Dodi. C'est peut-être leur dernière heure. Ah, allons-y, les stagiaires, les profs et les métallos, la culture, les sportifs, les prolos, les chanteurs et les clodos, les réfugiés et les hostos. Sauf peut-être le gouvernement qui préfère taper les manifestants quand ils sont à terre, c'est moins fatigant. Prends ça, tiens, prends ça, prends. On est encore trop docile. Mais on n'est pas des bawiles. À force d'insister, on pourrait se débarrasser des véritables assistés. Vous êtes repérés, les starlettes, les ministres et les lobbies, les eurocrates et la grande bourgeoisie, les médias qui font wa-wa, les actionnaires au fond du bois. Il y a déjà eu des révolutions dans l'histoire de France, il n'y a pas de raison pour pas que ça recommence, il y a plein de raisons pour que ça recommence, il y a plein de raisons pour que ça recommence, pour que ça commence. Ça commence. Alors, maintenant, je vais vous présenter un texte qui a été écrit fin mars et qui a été publié sur Indie Media, qui s'appelle « Survivre au virus, capitalisme en crise, hausse du totalitarisme et stratégie de résistance ». C'est un texte qui est signé par un groupe anarchiste américain, Crime Think. Ce texte propose de réfléchir aux questions de risque et de sécurité que pose la pandémie, et de se poser ces questions dans le cadre d'un groupe affinitaire pour faire face à l'isolement et trouver des moyens d'action collectivement. Moyens qui sont propres à chaque groupe. Le texte part du fait que nous ne serons pas plus en sécurité si nous sommes réduits à un groupe d'individus complètement isolés les uns des autres. Il aborde la culture de la sécurité présente dans les pratiques anarchistes, en gros pour que les groupes affinitaires se mettent d'accord sur une base commune pour minimiser les risques. Il part du constat que ce n'est pas possible d'éviter complètement le risque de contamination, mais de se mettre d'accord sur le degré de risque auquel on est prêt à s'exposer dans son propre groupe affinitaire. Il aborde aussi la question de l'entraide, en invitant à nourrir nos réseaux existants. Il aborde le creusement des inégalités de richesse, les luttes dans les prisons, des stratégies par rapport aux grèves des loyers. Ça se complète avec la présentation que j'avais faite sur la grève des loyers. Que l'armée et la police sont les seuls corps à pouvoir se rassembler en très grand nombre. Et que l'État est en train de prendre de plus en plus de place parce qu'il est soi-disant le seul à pouvoir gérer la crise. Je vais vous lire un petit passage qui me semble bien d'actualité avec ces histoires de réouverture des maisons de repos. Nous ne serons pas plus en sécurité si notre société est réduite à un groupe d'individus atomisés. Cela ne nous protégera ni du virus, ni du stress de cette situation, ni des prises de pouvoir que les capitalistes et les autorités étatiques s'apprêtent à réaliser. Autant les personnes âgées sont menacées par le virus, autant les personnes âgées sont déjà dangereusement isolées dans cette société. Les couper de tout contact avec les autres ne préservera pas leur santé physique et mentale. Nous devons tous et toutes être intégrés dans des groupes soudés de manière à maximiser à la fois notre sécurité et notre capacité collective à profiter de la vie et à agir. Et voilà, pour moi c'est un texte qui retrace bien un petit peu les démarches autonomes qu'on peut avoir sans attendre trop grand chose de l'État, parce que là pour le moment il fait genre qu'il est en train de gérer la crise, alors maintenant il y a toute cette polémique autour des maisons de repos, comme quoi les maisons de repos sont réouvertes, il y a un membre de la famille qui peut y aller, je sais pas quoi. Et moi, je trouve ça dingue de voir à quel point les gens flippent et font exactement ce que l'État lui dit de faire ou pas faire. Et c'est aussi, ça prouve aussi notre incapacité à comprendre ce qui nous arrive. Mais en fait, on pourrait voilà, très bien avoir des personnes à risque en maintenant une distance physique et pas sociale. Une distance physique de quelques mètres pour être sûr, mais en faisant ça... Y a pas de risque, enfin, se voir dans un parc à 3 mètres l'un de l'autre et discuter. Voilà, en fait, c'est exactement ce que va dire le gouvernement bientôt, quoi. Mais en fait, on aurait pu le faire depuis le début du confinement. Alors, je sais pas à quoi je m'expose en disant des trucs pareils, mais enfin, bref, tant pis. Voilà, maintenant on va s'écouter Passion armée, détruire l'ennui. À toutes. We'll be right back. chaque instant. Être ensemble intensément, est-ce juste pour détruire l'ennui? Juste pour détruire l'ennui? Juste pour détruire l'ennui? Juste pour détruire l'ennui? Aussi aux ateliers de l'Antémonde, fragment d'un monde révolutionné. Bâtir aussi, c'est une nouvelle d'anticipation. C'est une anticipation positive, entre guillemets. Du coup, c'est pas une anticipation habituelle de monde totalitaire poussé à son extrême. Mais c'est un roman qui avait pour ambition, entre guillemets, encore une fois, de dessiner des perspectives révolutionnaires tout en s'inspirant des dynamiques collectives et autogérées qui s'expérimentent dans la nébuleuse autonome, on va dire, en partant de pratiques anarchistes et féministes. Pour le tableau, du coup, le bouquin, il se passe dans l'Araka. L'Araka, c'est un mouvement mondial qui se serait étendu suite au printemps arabe en 2011. Et donc, le livre se passe en 2021, 10 ans après la révolution. C'est une écriture collective qui se présente sous la forme de plusieurs nouvelles et qui aborde plusieurs thématiques comme les organisations collectives, le véganisme, le rapport à la technologie, les partages du savoir, le travail, les rapports entre les genres, les sexualités, la propriété privée, le travail, peut-être j'ai déjà dit. C'est assez agréable à lire et c'est hyper décalé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est un conseil de lecture en ce temps de crise. Au contraire d'un moment qui est subi par le haut comme aujourd'hui, où c'est les gouvernements qui décident de ce qu'on peut faire ou pas et de comment cette crise du coronavirus est gérée, là ça parle d'un monde révolutionné qui est parti des individus pour le changer. Et donc je vais vous lire quelques passages, mais avant ça, je voudrais dire que les auteurs autrices de ce bouquin ont fait une tournée, notamment en France et en Belgique, où ils proposaient de faire des ateliers de labo-fiction. Et du coup, l'idée c'était de faire un exercice d'anticipation politique et révolutionnaire ensemble, en partant de nous-mêmes, quoi. En partant de moi Dylan, s'il y avait eu la révolution il y a 10 ans et que je me projetais aujourd'hui, donc 10 ans après la révolution, où est-ce que je serais? Est-ce que j'aurais toujours le même nom? Qu'est-ce que je ferais de mon quotidien? Comment s'organiserait la vie en général? Et voilà, c'est un atelier qui est passionnant aussi parce qu'il permet réellement de se projeter et de dessiner des perspectives désirables. Je vais passer à la petite lecture. Donc j'ai retrouvé un passage, ça se passe, donc c'est pendant la, donc en 2011, il y a eu révolution, printemps arabe, ça a pris, ça s'est étendu au reste du monde, et le bouquin se passe en 2021. Là c'est en 2012, et c'est un peu sur les barricades, sur leur appropriation d'une radio, où les gens sont en train de diffuser des idées pour soutenir la révolution et parler de stratégie, etc. Et donc là, c'est un débat. À un moment donné, il y en a plein dans le livre qui sont passionnants. Là, j'en lis un. Dounia a raison. À chaque contexte, sa complexité, rebondit Karim. À nous de contrer les nationalistes qui instrumentalisent les LGBTI. Font du marketing pour persuader la planète que savent protéger les gays. Nous allons bien trouver de quoi leur faire ravaler ce pinkwashing dégueulasse. Et c'est pareil pour les autres minorités. Nous avons initié cette insurrection sur la base de valeurs émancipatrices. À nous de tenir cette ligne coûte que coûte. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de voir ce qui nous lie, ce communisme, cette anarchie. Sentir qu'on fabrique une sorte de famille plus excentrique, avec des liens soudés et des valeurs que l'on peut transmettre. Et j'ai envie que ça atteigne le plus grand nombre. On peut sûrement tenir compte de nos inégalités de position, de nos besoins de faire communauté, et quand même se mettre d'accord sur des valeurs plus larges, et que ça s'étende. Kimi lève les bras, paume ouverte, en signe d'apaisement, et reprend avec calme. Si nous partons de ce que nous sommes, des pédales, des trans, des arabes, des gouines, des noirs, des folles, des communistes, des anarchistes, des grosses, des putes, des infirmes, des fugueurs, les tordus et pas les normales à leurs yeux, il n'y a plus d'amalgame possible. Aucun risque qu'on se fasse assimiler. Même si ces sujets ne t'intéressent pas spécialement, Gas, tu dois te positionner. Ces gens veulent notre mort. Ils veulent qu'on disparaisse de leur vie et de la surface du globe. Si tu prends la peine de te solidariser avec nous, tu ne seras absolument plus récupérable. Tu as raison, Kimi, acquiesce Lisa. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à diffuser nos idées largement. Il faut prendre nos moyens de communication très au sérieux. Il faut absolument qu'on maintienne les médias qu'on a lancés depuis quelques mois. Et elle conclut avec un clin d'œil. Il faut rendre nos prises de position super, super claires. Karim reprend la parole. C'est sur tous les fronts en même temps qu'on doit se renforcer. Qu'il n'arrive pas à prendre de place dans nos différentes instances d'organisation. Nous ne ferons pas alliance avec eux. Nous continuerons le sabotage du pouvoir en place et de toutes les idées rétrogrades. Mais ça va être sur un terrain militaire que ça va se jouer aussi, complète Dounia. Et là-dessus, on est des branques. S'ils veulent imposer la terreur, ils en ont les moyens. On va devoir tenir la rue envers et contre tout. Ici et dans les régions alliées. Là où il y a des révoltes, là où des communes libres sont nées. Et maintenant, on va s'écouter une chanson de circonstance. Épidémie de Crête et Pâquerette au label Arege, que vous pourrez retrouver dans la distro de la Lapinothèque quand elle ressortira de son confinement. Je suis pas capable de m'évader. Voici quelques nouvelles d'Uruguay, en Amérique du Sud. Dans l'émission pandémique numéro 24, diffusée jeudi 16 avril sur Radio Panique, Sandra, qui s'est réfugiée en Belgique dans les années 70 suite à la dictature militaire, nous avait dressé une radiographie de la situation locale en cette période de crise sanitaire et de crise sociale. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette émission en podcast sur radiopanique.org. Vous trouverez ça au rayon pandémique numéro 24. Dans le sujet qui suit, nous continuons le dialogue avec Sandra, où elle nous livre quelques réflexions, critiques et quelques mises en perspective pratiques post-crise. Eh bien, bonjour à tout le monde. Voici, question complexe, réponse complexe, et à plusieurs points de vue. Disons que pour beaucoup de gens, probablement une grosse majorité, il y a l'anxiété de que ceci, ça se termine parce que quand ça sera fini, on pourra reprendre les études, les projets de la maison, les voyages, les enfants. Voilà, c'est-à-dire pas de grands changements et le souhait que tout reprend comme avant. Donc, pour une grosse majorité des gens, il y a un manque de perspective. Après, il y a des secteurs plus éclairés, je vais dire plus conscients, à plusieurs niveaux de la société, que ce soit des travailleurs, que ce soit des étudiants, des intellectuels, qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas un retour tout à fait à la normale, même si ça va force rassembler, que le système va mettre sa machine, comme toujours, en route, et qui se pose la question, bon, le tout est comment est-ce qu'on va vivre après, sans boulot, sans toit, sans santé ou santé défaillante, sans ressources au niveau d'argent, ou comment est-ce qu'on va vivre mieux, harmonisé avec sa conscience solidaire ou avec ses pensées libertaires, anarchistes ou socialistes ou marxistes ou peu importe. Alors, voilà, donc il y a des mouvements, il y a certaines personnes qui bougent et qui vont vers la campagne, qui s'associent entre amis ou camarades et ils vont dans un endroit, soit qu'il y a déjà une maison préexistante de la famille de quelqu'un qui va être mise à disposition pour être partagée pour un groupe de personnes, soit les gens qui ont un petit peu de ressources vont dire « bon, mais il faut qu'on achète vite un terrain ». Il y a aussi des gens qui se dépêchent à acheter n'importe quoi pour pouvoir planter. C'est la première chose qui apparaît dans la tête des gens. Mais ceci dit, pour d'autres qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire qui n'ont pas de l'argent en réserve pour participer à une question collective, ils se disent « mais bon, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas de terrain, on n'a pas de maison de famille, etc. » Bon, là, il y a les occupations. Les occupations de terrain qui ont toujours existé en Uruguay, c'est une tradition presque, d'une partie très laissée par compte du système qui se réunissent, qui de manière très spontanée vont, ils s'installent quelque part, voilà, parce qu'il faut qu'ils soient quelque part. Et alors, quand il y en a un, il y en a 10, quand il y en a 10, il y a 20, 50, 60, et puis il peut y avoir 1000 personnes. Voilà, avec des abris de fortune faits avec du plastique carton, de la tôle, etc., etc. Bon, donc ça pose ces questions-là. Et effectivement, il y a déjà des occupations qui ont eu lieu avant la pandémie. Et donc, voilà, qui sont fortement criminalisés parce que la force répressive ont descendu dans une des occupations. Et donc, ils ont mis en prison deux femmes pour être les meneuses de l'affaire, et on les a typifiées de certains délits d'association illicite pour la délinquance, occupation, usurpation de la propriété privée, etc., etc. Bon, les occupations sont très difficiles dans un pays où il n'y a pas de mini-propriété, où il n'y a pas des espaces inoccupés, parce que tout est propriété privée et c'est concentré dans très peu de mains. Et il y a quelques propriétés qui appartiennent à l'État, mais que l'État aussi leur donne des inverseurs qui vont investir là dans une affaire, peu importe que ce soit des plantations de soja ou l'extension de terrain pour l'élevage. Voilà, donc ça reste un problème qui est complexe à résoudre. Mais les gens essayent. D'autres vont aller dire, bon, j'ai une tante, un grand-père, peu importe, et on va partager la maison en avant, en arrière. Comme toujours, c'est typique ici en Amérique latine, on continue à mettre des gens dans les pièces et construire vers le haut ou à l'arrière, à côté ou devant, des petites constructions de fortune pour abriter ces membres de la famille qui n'ont pas une place. Et disons que dans la tête des activistes, des militants, des gens qui ont une histoire engagée avec le politique, le social, se pose la question, bon, quoi après? Disons, est-ce qu'on va continuer à réclamer à l'État, par exemple, des droits au logement, des droits au travail, travail avec de la qualité, santé, qualité de la santé, nourriture pour tous, rente basique pour tout le monde, etc., etc. Et respecter les droits, les conditions de travail. Bon, il y a une partie syndicale que leur plateforme se limite à ça. Et puis, il y a une autre partie des gens qui se disent, bon, tout a été déjà fait, en fait, il faut qu'on modifie notre vie, qu'on se situe le plus possible, si ce n'est pas possible, en dehors du système, au moins à côté, avec quelque chose de parallèle. Il faut qu'on développe des modes de vie ensemble avec d'autres et voilà, pour faire de l'existence quelque chose de plus harmonieuse et de plus collectif. Voilà. Donc, il y a une partie des gens qui, effectivement, se posent la question, mais le point est comment est-ce qu'on va faire, à quel moment on va faire le pas? Comment on pourra passer de la situation de maintenant qui est l'assistance dans l'émergence, c'est-à-dire faire des masques pour ceux qui n'ont pas, fabriquer de l'alcool pour ceux qui n'ont pas, de la colle en gel, c'est-à-dire récolter la nourriture et des vêtements. Comment est-ce qu'on passe à parler, au moins dialoguer, poser avec les gens la question, bon... il n'y aura pas de boulot, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et si on est en ville, voilà qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville comme à Montevideo. Voilà, et ça, c'est plutôt dans le quartier, les gens sont autour des associations, je dirais même des associations de clubs de football, des petits clubs sportifs qui ont ouvert leurs portes pour faire des casseroles populaires, etc. Tout est ouvert maintenant. C'est la perspective. C'est la perspective et comment les secteurs activistes puissent transmettre, communiquer, montrer qu'il y a une autre façon de répondre. Pour aborder, par exemple, la problématique du côté de la santé, parce que maintenant, on n'est pas traité dans la maladie qu'on a parce qu'il y a la priorité des coronavirus, et c'est-à-dire s'il y a d'autres choses, comment est-ce qu'on survit à ça? Les personnes qu'on a en plan dans une polyclinique privée et qu'on continue à payer pour une non-insistance, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'exigence où il y a quelque chose à faire, dire on se retire, on met le point de combat dans la santé publique et on développe parallèlement les savoirs, les connaissances et là, normalement, encore une fois, la même problématique que pour les étudiants. C'est-à-dire, s'il y a des médecins ou un médecin ou autre, qui soit plutôt libertaire ou anarchiste, ou peu importe, avec quelqu'un de matrice non systémique, s'il y a des infirmières, s'il y a des spécialistes, et qu'ils connaissent de l'intérieur comment ça fonctionne. Ils vont continuer dans la machine parce qu'ils ont besoin de leur salaire, ou ils vont s'organiser parallèlement et fonder des cliniques du peuple et vont mettre ensemble les connaissances, beaucoup de choses, des personnes, ils ont les savoirs par rapport aux plantes, par rapport à la médecine chinoise et tout ce qui nous amène aussi à nous nourrir d'une façon différente, à pratiquer ça quotidiennement, parce que la médecine chinoise ne guérit pas miraculeusement d'un jour à l'autre certaines choses, sinon que tout est, par exemple, on le sait très bien, dans ce qu'on mange. D'ailleurs, on dit « on est ce qu'on mange ». Oui, c'est vrai, on est ce qu'on mange. Donc, quand, par exemple, des gens de la santé qui se pensent avec une idée de gauche ou anticapitaliste, l'autre vont donner le pas et être fondateurs, au moins d'une manière expérimentale, petite, et dire qu'on va faire une polyclinique ici, là, et on va la gérer avec les gens d'une manière autonome. Voilà. Ça, dans la perspective, parce que dans la perspective, sinon, c'est continuer comme on est jusqu'à maintenant. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par rapport au système, il n'y a plus aucune éthique. Donc, on est un numéro. On est un chiffre de mort ou on est un chiffre d'affaires. Et les deux, c'est lié. Donc, là, il doit y avoir une rupture. On doit être utile à ces programmes de mort du système ou il faut se retirer. Et de quelle façon on se retire, et soit on est un chiffre dans les affaires, soit on est un chiffre de l'homme. Et donc, encore une fois, on revient et on dit comment est-ce qu'on construit des alternatives au niveau de la santé, mais depuis la base, depuis d'en bas. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de l'expérience zapatiste développée en Chiapas. Par exemple, ils ont leur propre polyclinique où tout le monde peut y aller, soit que tu sois zapatiste ou que tu ne sois pas zapatiste. Et là, je crois qu'il y a un mélange des deux savoirs, deux sources différentes. Et il y a la médecine pratiquée par les peuples originaires, trois axes très importants. Bon, je reviens aux trois axes importants, en tout cas pour là, en Chiapas, pour la médecine qui pratique dans les polycliniques zapatistes. Bon, los hueseros, c'est-à-dire les gens qui ont un savoir par rapport à tout ce qui est les os, tous les maladies ou problèmes qu'on peut y avoir, la connaissance des herbes, pour l'utiliser pour les différentes choses, et les femmes, pour ainsi dire, les sages-femmes. Et bon, il peut qu'il y ait d'autres choses, mais bon, ils ont une médecine qui est propre et un savoir très, très ancien qui se combine avec des personnes qui ont d'autres types de connaissances qui ne soient pas de sources de peuples originaires. On connaît très bien qu'en Occident, on a aussi essayé dans pas mal d'endroits d'introduire, par exemple, l'acupuncture dans certains polycliniques, différents trucs comme ça. C'est pas encore le cas avec les herbes, les teintures et les choses comme ça qui sont regardées comme quelque chose du domaine du magique et que ça sert à rien. Mais bon, rassembler les savoirs, les connaissances, les mettre ensemble et construire des alternatives petites. Certains dans une zone intermédiaire, transitoire, parce que tout ça c'est un processus, on ne va pas construire rien d'un jour à l'autre dans la magie, non, ça n'existe pas la magie, pour les contes ça existe, et pour les belles histoires imaginaires, oui, mais dans la vie tout est processus, il n'y a pas quelque chose qu'on arrive d'un jour à l'autre comme ça. c'était quelques réflexions de Sandra depuis les collines lointaines d'Uruguay. La musique qui accompagnait ce sujet a été composée par Mikis Theodorakis et interprétée par Los Calchalquis pour le film État siège, qui raconte avec intelligence le processus qui traversa l'Uruguay des années 70 et qui parle avec brio du processus d'instauration d'un état d'exception en une dictature militaire et de son opposition sociale et armée, les Tupamaros. Polar, Polaroid, Nouvelle Noire, Littérature Blanche, Vomissure, Pandémique. C'est une première radiophonique pour cette nouvelle écrite en temps de confinement par Graziella. Autrice encore inconnue, elle vit en habitat léger depuis le milieu des années 90, passionnée par tout ce qui vient d'outre-Manche, particulièrement la musique. Quand elle ne perd pas sa vie à la gagner, elle fréquente les concerts, farfouille dans les brocantes, lit beaucoup, fait des collages et écrit des petites histoires inspirées par ses contemporains. On écoute sans plus attendre cette nouvelle inédite. Vicky ouvrit un œil et vérifia l'heure sur l'écran lumineux du réveil. 8h50. Une semaine auparavant, son entreprise avait fermé suite aux mesures de quarantaine prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Son employeur l'avait mise au chômage pour force majeure, contrairement à la plupart de ses collègues qui étaient au télétravail. Son travail à elle n'avait pas semblé indispensable et essentiel au bon fonctionnement de la boîte. Pourquoi payer un salaire de plus si la sécurité sociale pouvait le prendre en charge pendant la durée de la crise ? Elle avait accueilli la nouvelle plutôt avec soulagement. Plus besoin d'aller faire des courbettes à ses supérieurs et leur clique de relations, tous plus friqués et incompétents les uns que les autres. Plus besoin d'enrober son discours, comme on le lui avait gentiment suggéré, pour s'adresser à ceux qui ne lui réservaient que mépris et condescendance, la prenant pour la potiche, l'idiote de l'accueil. Depuis qu'elle avait cessé d'aller travailler, elle ne programmait plus son réveil. À quoi bon ? Une de ses collègues avait créé un groupe de discussion sur WhatsApp pour rester en contact. Au début, Vicky y avait participé, mais elle s'était vite lassée de lire combien ses collègues s'épanouissaient entre leurs enfants et le télétravail. Elle vivait seule, avec son chat, pour seule compagnie, dans un appartement, sans jardin, au deuxième étage d'un immeuble trop récent pour être beau et déjà trop ancien pour répondre aux normes énergétiques. Les cris de ses voisins du dessus rythmaient tristement ses journées. Vicky pensait que le mari battait sa femme. Quand elle la croisait dans l'escalier, sa voisine rasait le mur en gardant la tête baissée et murmurait un bonjour à peine audible. Tout le monde n'est pas égalitaire face au confinement. Les premiers jours de la quarantaine, Vicky avait comblé ses journées en récurant l'appartement de fond en comble, avec beaucoup d'entrain. Ensuite, elle avait profité de la météo clémente pour se promener dans les limites autorisées. Quand chaque surface de son logement fut passée au détergent et qu'elle connut par cœur le moindre recoin de son quartier, elle se demanda comment elle pourrait occuper son temps. Son boulot, bien qu'il soit ennuyeux et répétitif, lui apportait une certaine structure dont elle avait besoin dans sa vie. Le confinement s'annonçait long, plusieurs semaines encore. Il lui faudrait remplir ce temps par des activités autorisées. Elle décida de dresser une liste de choses à faire. Elle aimait les listes, ça lui permettait d'avancer. Au boulot, à la maison, quand une tâche était terminée, elle la barrait et se sentait soulagée. Sa vie n'était qu'une longue liste. Elle se mit à écrire. Contacter chaque jour une personne de mon entourage pour prendre de ses nouvelles. Faire une promenade par jour. Trier mes fringues. Cuisiner des plats sains et équilibrés. Faire mes exercices de yoga. Relire les livres qui m'ont le plus marqué. Elle commença par téléphoner à ses parents pour s'assurer qu'ils allaient bien, ce qui était le cas. Sa mère ne semblait pas trop perturbée par la situation. Même en temps normal, elle sortait peu de chez elle et la télévision occupait une grande place dans sa vie. Son père bricolait dans la cave et se distrayait sur les réseaux sociaux. Ils se promirent de se revoir tous avec sa sœur à la fin du confinement. Cet échange lui avait donné la motivation d'entreprendre le tri de ses habits. Vicky était fort attachée aux objets. Elle les accumulait dans son appartement alors que la place manquait. Chaque objet lui rappelait une personne, une époque, des souvenirs. C'était la même chose pour ses fringues. Vicky était fort attachée aux objets. Elle les accumulait dans son appartement alors que la place manquait. Chaque objet lui rappelait une personne, une époque, des souvenirs. C'était la même chose pour ses fringues. Cette robe, achetée lors de vacances en Angleterre, dans laquelle elle ne rentrait plus, Il était impensable de s'en débarrasser. À ses yeux, c'est comme si elle se débarrassait d'une partie de son passé. Après 2 heures de tri, elle avait réussi à mettre une dizaine de pièces qu'elle irait déposer au conteneur à textile. Elle estima qu'elle méritait une récompense et se servit un verre de chardonnay bien frais qu'elle alla siroter sur le balcon. Elle ne participait pas à la nouvelle coutume qui consistait à applaudir depuis son balcon tous les soirs à 20h pour remercier le personnel hospitalier qui luttait pour sauver des vies. Elle pensait que ceux qui le faisaient étaient des hypocrites qui se donnaient bonne conscience et que c'étaient les mêmes personnes qui, la journée, ne respectaient pas les règles du confinement en se rassemblant dans les parcs, en essayant de dépasser dans la file du supermarché. Donc non, Vicky n'applaudissait pas tous les soirs à 20h. Mais elle essayait de respecter les règles tout au long de la journée afin de ne pas tomber malade et de ne pas alourdir le travail des soignants. Par contre, elle avait remarqué un autre phénomène. Vers 20h30, certains de ses voisins échangeaient des propos d'un balcon à l'autre. En les observant, elle avait compris qu'il s'agissait d'un jeu sur le thème de questions pour un champion. Un de ses voisins jouait le rôle de l'animateur et posait des questions auxquelles devaient répondre les participants. Les numéros pairs de la rue jouaient contre les numéros impairs. Après avoir été témoin 2 soirs de suite, elle décida de participer. Elle habitait au numéro 28, elle faisait donc partie de l'équipe des pairs. Elle se posta sur son balcon et vit que des 2 côtés de la rue, d'autres personnes attendaient également. Sur le coup de 20h30, l'animateur habitant au 3e étage du 50 apparut sur son balcon. Il avait revêtu un smoking et son arrivée fut acclamée par les voisins présents. Quand le silence fut revenu, il lança la première question d'une voix forte. « Qui a écrit ma cousine Rachel ?»« Facile, Daphné du Maurier. 1 point pour les pairs. » Quelle est la capitale de la Bulgarie ? Ah, les impairs ont été plus rapides. Tandis que les questions s'enchaînaient et que les voisins se prenaient au jeu, Vicky se laissa distraire en observant un jeune homme à une fenêtre côté impair. Elle ne l'avait jamais croisé dans le quartier auparavant. Il avait les cheveux rasés, plutôt bruns, et autant qu'elle pouvait en juger à cette distance, son visage avait un certain charme. Elle comprit aux applaudissements que la partie était finie et que les pairs avaient gagné. Le jeune homme la regardait et lui adressait de petits applaudissements. Cela la fit rougir. Elle se sentit démasquée. Elle lui sourit maladroitement et rentra bien vite dans son appartement. Le lendemain matin, elle s'éveilla de bonne heure et se remémora sa rencontre de la veille. Rencontre est un bien grand mot, mais la connivence qu'elle avait ressentie en croisant le regard du jeune homme lui avait procuré une agréable sensation qui s'était prolongée toute la soirée et qui l'accompagnait encore ce matin. Tandis qu'elle se préparait son petit déjeuner, elle se remémora sa dernière relation amoureuse. Pas très satisfaisante. 2 paumés qui s'étaient rencontrés dans une soirée et qui, après quelques rendez-vous, s'étaient mis ensemble parce qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire d'autre. Cela avait duré 6 mois, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. C'est elle qui avait rompu, après une énième soirée sans rien à se dire. Il avait bien pris la chose, il avait même semblé soulagé. C'était il y a 3 mois. Depuis, elle avait repris le cours de sa vie. Ses sorties au café avec ses collègues après le boulot, les week-ends entre copines au terme, les visites à ses parents... Tout lui paraissait simple et elle n'envisageait pas du tout une nouvelle relation. Alors pourquoi ce jeune homme lui avait fait une telle impression ? Après son petit déjeuner, elle emporta une tasse de café bien chaud au salon et s'installa confortablement dans son canapé avec son bouquin. Elle n'arrivait pas à se concentrer sur sa lecture. Alors elle envoya un message à une de ses amies pour prendre de ses nouvelles. Le soleil avait réchauffé l'air et elle se sentait d'humeur à se promener. Elle choisit sa tenue avec beaucoup de soin au cas où elle rencontrerait le jeune homme d'en face. Après avoir fait un câlin à son chat, elle descendit les 2 étages qui la séparaient de la rue. Elle sentit la caresse du soleil sur sa joue tandis qu'elle se dirigeait vers le petit parc de son quartier. Elle croisa peu de monde. Les gens s'écartaient sur son passage et certains portaient des masques chirurgicaux. Elle n'avait pas réussi à s'en procurer et n'en portait donc pas. Arrivée au parc, elle en fit le tour. Ses espoirs furent déçus. Le jeune homme de la veille n'y était pas. Elle avait été bien optimiste de croire qu'elle le rencontrerait alors qu'elle ne l'avait jamais croisé dans le quartier. Et si elle l'avait croisé, ils auraient dû se parler à 1,50 m de distance pour respecter la distanciation sociale. Nouveau terme apparu avec l'épidémie. Pas génial pour faire connaissance lors d'une première rencontre. Finalement, c'était peut-être mieux comme cela. Elle remarqua que même les sans-abri respectaient ces distances. Il y en avait 4, adossés à la clôture du parc, qui buvaient leur canette de bière à 2 mètres d'écart les uns des autres. Ils devaient hausser la voix pour échanger des propos décousus. Tout en remontant vers son appartement, elle réfléchit au sens de sa vie. Ses choix qui l'avaient mené jusqu'ici, son boulot pas très satisfaisant. La période était propice à la remise en question. Arrivée chez elle, Vicky se connecta à Internet en quête de formation pour adultes. Elle avait un diplôme d'assistante sociale, mais elle travaillait dans un tout autre secteur. Elle avait trouvé un boulot proche de chez elle et y était restée, par confort, par facilité. Mais ça ne lui suffisait plus. Elle avait envie de se sentir utile. Elle vit qu'il existait une formation pour devenir écrivain public. L'idée la séduisit et elle nota les coordonnées en vue de contacter l'association dès que la quarantaine serait levée. Dans l'attente de la séance de questions pour un balcon, elle se lança dans la préparation d'un plat végétarien qui nécessitait la découpe de nombreux légumes, le tout accompagné d'un gin tonic. L'heure du jeu arriva, elle était à son poste, sur son balcon. Elle chercha le jeune homme du regard, il était à sa fenêtre. Ils échangèrent, regards, sourires. Elle se sentit un peu moins timide que la veille. La partie commença et cette fois, ce fut les impairs qui la remportèrent. L'animateur avait précisé que les gagnants paieraient l'apéro à toute la rue à la fin du confinement. Vicky savait qu'à cette occasion, elle rencontrerait le séduisant voisin d'en face, qu'ils pourront discuter normalement, sans distance, apprendre leur nom, échanger leur numéro, comme ça se faisait avant la quarantaine. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Vicky alla se coucher, pleine d'optimisme, sans peur du lendemain. Sa vie était comme un puzzle dont les pièces se mettaient en place. Elle s'endormit en pensant à sa to-do list du lendemain. Ten vocals, please. Alors pour suivre, moi j'ai trouvé un article de Gilles Deleuze sur le site de Radio Talweg. Ils diffusaient en fait au départ le matin et le soir, mais ils ne le font plus que les soirs car ils sont un peu crevés depuis le début du confinement. Et en fait, ils et elles ont créé un outil d'échange, de liaison d'expression en ces temps de séparation, de distanciation et d'étouffement en Bourgogne. C'est une radio déconfinée. Et alors pour l'instant, ils proposent des thématiques chaque semaine. C'était la ville, par exemple, du 20 au 24 avril, le monde paysan du 27 avril au 1er mai. Et les sciences et le pouvoir seront d'actualité du 4 au 8 mai. Donc c'est un programme provisoire et qui est susceptible d'être modifié. Alors cet article, c'est donc un article de Gilles Deleuze qui s'appelle « Postscriptum sur les sociétés de contrôle ». Alors pour commencer, Deleuze il parle de Foucault, évidemment, qui a situé les sociétés disciplinaires au XVIIIe et au XIXe siècle, et elles atteignent leur apogée au début du XXe siècle. Alors elles procèdent à l'organisation des grands milieux d'enfermement, où l'individu ne cesse de passer d'un milieu clos à un autre, chacun ayant ses lois. D'abord la famille, puis l'école, puis la caserne, puis l'usine, et de temps en temps l'hôpital, éventuellement la prison, qui est le milieu d'enfermement par excellence. Mais ce que Foucault savait aussi, c'était la brièveté de ce modèle. Il succédait à des sociétés de souveraineté, dont le but et les fonctions étaient tout autres. Après la Seconde Guerre mondiale, y a la crise qui est généralisée. De tous les milieux d'enfermement. Et donc, on décide de réformer. Alors, réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison. Mais chacun sait que ces institutions sont finies à plus ou moins longue échéance. Et il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens jusqu'à l'installation des nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Alors il n'y a pas lieu de se demander quel est le régime le plus dur ou le plus tolérable, car c'est en chacun d'eux que s'affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple, dans la crise de l'hôpital comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. Alors il parle aussi de Félix Guattari, qui est son grand ami, et qui lui imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière, mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures. Ce qui compte, ce n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. Alors, selon Deleuze, une des questions les plus importantes concernait l'inaptitude des syndicats, qui sont liés dans toute leur histoire à la lutte contre les disciplines ou dans les milieux d'enfermement. Alors, pourront-ils s'adapter ? Ou laisseront-ils la place à de nouvelles formes de résistance contre les sociétés de contrôle? Pour ça, je vais laisser maintenant la place à Gilles Deleuze lui-même, qui s'exprime lors d'une conférence sur l'art et les sociétés de contrôle dans le cadre des Mardis de la Fondation. Alors, c'était il y a 30 ans, le 17 mai 1987, il y a plus de 30 ans. C'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions, vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler, ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait le nom de, un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ben ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement, ça sera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez, et pas tant, ce serait des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir. Et puis un petit hommage à Christophe avec « Excusez-moi, monsieur le professeur ». Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur tirer dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne connais pas mes leçons par cœur. Si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est qu'un autre à ma place est toujours le premier. Excusez-moi, monsieur le professeur, si j'ai toujours les idées ailleurs. Si les pages sont blanches de mes pauvres cahiers. C'est qu'il y a trop de branches aux arbres des forêts. Et si j'aime les branches, si j'aime la forêt, c'est parce que vous m'avez défendu d'y grimper. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je connais les oiseaux par cœur. Si quand vous faites l'appel, je vous réponds absent, c'est parce que j'ai perdu votre école et pourtant. Je la cherche partout, à travers mille champs. J'ai perdu mon chemin, je reviendrai demain. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne sais jamais rien par cœur. Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur tirer dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé. Donc pour suivre, voici un article qu'un ami belge d'origine italienne m'a envoyé il y a une semaine. Alors voici son message. Bonjour, je tiens beaucoup à partager l'article dont vous trouverez le lien ci-dessous. On parle beaucoup de Trump et de Bolsonaro, mais j'ai encore rien lu en français sur cet aspect des choses en Italie. Des camarades italiens m'avaient déjà envoyé des infos, mais rien dans notre belle presse démocratique. Donc voici le premier article en français que j'ai lu, et qui parle de la responsabilité du grand patronat dans le massacre en Italie. Confinez-vous bien. Alors l'article vient du journal en ligne nommé L'Autre Quotidien, qui est très très chouette, et cet article s'intitule « Bergame, le massacre que le patronat n'a pas voulu éviter ». Alors l'autrice est Alba Sidera. L'article dénonce principalement deux aspects de cette situation, qui n'ont pas de frontières et qui sont ici bien nommés et analysés. Premièrement, comment les patrons de l'industrie firent pression sur toutes les institutions pour éviter de fermer leurs usines. Et deuxièmement, les réformes de la santé qui taillent depuis plusieurs années dans les investissements dans la santé publique. Alors maintenant, je vais juste vous lire les premières lignes de l'article en espérant que ça vous donnera envie d'aller voir sur le site. Oui, je vais passer les premières lignes. Le 23 février, il y avait dans la province de Bergame deux cas positifs de coronavirus. En une semaine, ils atteignent le chiffre de 220. Presque tous dans la Val Seriana. À Codogno, petite ville lombarde, où fut détecté le 21 février le premier cas de coronavirus, il suffit de 50 cas diagnostiqués pour fermer la ville et la déclarer zone rouge. Pourquoi n'en fit-on pas autant dans la Val Seriana? Parce que cette vallée du Serio concentre un des pôles industriels les plus importants d'Italie. Et les patrons de l'industrie firent pression sur toutes les institutions pour éviter de fermer leurs usines et de perdre de l'argent. C'est ainsi, aussi incroyable que cela paraisse, que la zone comptant le plus grand nombre de morts par habitant de l'Italie et d'Europe par coronavirus n'a jamais été déclarée zone rouge. À la grande stupeur des maires qui le réclamaient et des citoyens qui, maintenant, demandent qu'on cherche les responsables. Les médecins de famille de la Val Seriana sont les premiers à parler clairement. Si on l'avait déclaré zone rouge, comme le conseillaient tous les experts, on aurait sauvé des centaines de personnes, assure-t-il, impuissant. Mais l'histoire est encore plus trouble. Ceux qui ont intérêt à garder les usines ouvertes sont, dans certains cas, les mêmes qui ont des intérêts dans les cliniques privées. C'est le coronavirus russe. c'est le coronavirus russe. C'est le coronavirus russe. C'est le coronavirus. Le Covid-19. Le Covid-19. Le Covid-19. Le Covid-19. Le Covid-19. On reste à la maison tout le temps. On reste à la maison tout le temps. On reste à la maison tout le temps. On reste à la maison tout le temps. On reste à la maison tout le temps. On reste à la maison tout le temps. Alors ça, c'était un morceau qui est trouvé par Thierry. Je ne sais pas où il l'a dégoté, mais ça s'appelle Corona Live Sessions. Et ça a été réalisé par Ola, Ellie et Damien. Alors on en arrive à la fin de l'émission d'Istro Lapinothèque. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Il y a encore une petite énigme à résoudre. Et si vous trouvez des réponses à l'énigme, vous pourrez me les envoyer en fichier audio sur notre nouvelle adresse lapinothèque@rise.net. Et je me ferai un plaisir peut-être d'en faire quelque chose dans la prochaine émission de la Distro Lapinothèque sur Tranche d'Anard et Radio Air Libre le mercredi 27 mai. Alors, l'énigme en question, c'est qui a tué Betty Cyclope ? Et pour vous aider, voici déjà quelques indices. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Ce dont je me souviens, c'est que je suis dans une salle de classe. La salle de classe, donc la porte est ouverte. Et il y a une rangée d'élèves qui est dans le couloir. Il y avait le couloir, mais il n'y avait pas les classes. Il y avait juste le couloir et c'était décoré différemment. Parce que normalement à l'école, le sol, il est tout lisse, tout comme ça. Mais sauf que là, sur le sol, il y avait des carreaux. Tout froid. Je suis à la fois du côté de professeur, du côté des élèves. Je sais que c'est la classe de ma fille. Et je sais aussi qu'après la classe, on doit aller voir un spectacle de danse. Donc c'est très étrange parce que c'est comme si finalement j'étais à l'intérieur de cette classe aussi. Et donc d'ailleurs, de manière assez magique, pas d'un espace à un autre. Un survol m'amène dans une station pour prendre une ligne express sans chauffeur qui va dans les paysages un peu post-industriels. C'est en plein jour et dehors je me retrouve à passer derrière une barrière en bois où il y a beaucoup de monde. Mais moi je me rends compte en fait à ce moment-là que j'ai quand même une mission et que je dois être présent. Je me rends compte que là je suis pas du tout au bon endroit. Et je m'en inquiète très fort. Tout d'un coup, subitement, j'ai vraiment l'impression que j'ai un peu dérivé. Je me suis un peu coupé de l'endroit et de ce que je devais faire. Je marche le long d'une route de campagne. Elle est déserte. Le ciel est bas, gris, et il pleuvine. Derrière moi, une deuxième personne. Nous sommes ensemble et nous essayons d'atteindre une maison amie, là-bas au loin. La route descend en lacets et les feuilles mortes crissent sous nos pieds. À part ce bruit, il n'y a rien. Il y a un mec qui s'approche de moi. Il a une espèce de long manteau beige qui ressemble à rien. Il doit avoir 50 ans. En fait, je la dépasse, c'est une jeune fille et qui me traite de malotru. Et qui me dit, mais voilà, ça va pas. Bon, et donc moi, je Non, je suis fort embarrassé, j'essaye de me justifier. Et puis je suis la jeune fille et je lui dis, ben voilà, je suis désolé, je dois absolument aller filmer le concert. Et le concert, c'est un concert des Betty Cyclopes. Et là, la jeune fille dit, mais quel concert? Ben je dis, ben le concert. Donc je me rends compte à ce moment-là, en fait, que je l'ai suivie pendant quelques mètres et qu'elle allait ailleurs. Et il me regarde avec un grand sourire et il me dit, mais tu sais que tu es suivie. Et puis je regarde, je dis, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il me répond, mais oui, tu es suivie, regarde, donne-moi ton téléphone, je vais te montrer. Et je lui donne mon téléphone et il chipote des trucs que je comprends rien. Et il me dit, regarde, tu es suivi par cette entrée-là de ton téléphone. Tu es suivi par les services secrets israéliens. Du coup, je suis sidérée. Je me sens complètement perdue. Tout d'un coup, au loin, nous voyons apparaître une tache dans le ciel. Orange. J'étais partie dans un autre pays. Il n'y avait plus personne dehors. Et je voyais dans le ciel des poissons qui volaient, c'était des crocodiles. Il se rapproche, c'est un drone des flics. Alors tout le monde avait peur. On dirait un jouet en plastique. Vite, nous sautons dans le fossé, sur le bord de la route. Et nous cachons sous nos ponchos de randonnée, avec des feuilles par-dessus. Le drone se rapproche. Il tourne maintenant au-dessus de nous, amorce une descente. Il est là, juste là, à 2-3 mètres, au-dessus de nos têtes. Je voulais pas qu'on me voie. Alors, enfin j'étais avec Rose. Et alors, Rose m'a dit, viens, on va passer par le dessous, personne ne nous voit. Apparemment, il n'arrive pas à nous repérer. Il fait quelques tours encore, et puis il repart. On respire. Et le soir commence à tomber, mais très très vite. Donc il fait, tout d'un coup, il fait assez sombre en fait. Et il y a un peu d'éclairage dans la rue, mais la rue, c'est une rue en terre, il n'y a plus personne. Et puis au bout, je vois un croisement, je dis, ah oui, là, ça je connais. C'est à Boisfort, et c'est une rue comme ça, genre dans du logis, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que je suis en 1981 à Boisfort, quoi. On voit mon père qui promène un chien. Étrange, parce que mon père n'a jamais promené de chien. Le soleil se couche et les étoiles apparaissent dans ce ciel d'été. Il est minuit. Extinction des feux. Je m'endors, mais la porte grince et s'ouvre. Trou noir. C'est la nuit d'été, je suis dans des rues de Bruxelles. Je ne les reconnais pas tout à fait. Je pense que ça doit être Boisfort. C'est des anciennes rues pavées, un peu. On dirait qu'on est dans un village et en même temps tu sens que la ville n'est pas très loin. Et tout d'un coup, c'est le jour, c'est la journée. Je ne sais pas très bien s'il y a un orchestre qui joue ou bien s'il y a un manège pour enfants. Mais il y a cette surabondance de fleurs roses et blanches partout. Et puis ce qui attire mon regard, c'est ce qu'il y a au fond de la place. C'est une maison. Je rentre dedans et je tombe vraiment sous le charme d'une petite maison de poupée avec une vitrine à l'intérieur, un petit présentoir. Sur chaque table, il y avait un grand plateau de glace au chocolat. Et le plateau, il était un peu argenté. Et le pire, c'est qu'en fait, on est là, à la table, on était à cet endroit. Il y avait aussi le tigre, là, avec des ailes. On a couru dans le couloir, puis après, on était dans une salle, puis il y avait une porte. On a ouvert la porte, il y avait des escaliers. Et puis après, je voyais les jardins comme ça avec les fenêtres. Et on s'enfonçait dans le sol. Et il y a un énorme escalier en béton renversé qui est au pied de l'immeuble. L'entrepreneur donne du fric à un gars qui traîne par là, désœuvré, et une tronçonneuse. Mais le gars s'empare de la tronçonneuse et monte à l'arrière d'une moto conduite par un comparse et s'en va, tronçonneuse au vent, en une équipée un petit peu inquiétante. Il reste que nous, en fait, que moi et ma fille, de toutes les personnes qui étaient là. Et là, une fois encore, je suis à la fois dans les spectateurs et à la fois je vois ce qui se passe en coulisses. Là, je me dis, oula, oui, ça c'est bien parce qu'effectivement je reconnais l'endroit, mais par contre, où est-ce qu'elle est, cette salle de concert, par rapport à cet endroit que je connais? Et là, je ne sais pas. Et donc je dois aller soit à gauche, soit à droite. Et là, je décide d'aller à gauche. Et assez rapidement, je me dis que j'ai fait le mauvais choix, parce que j'arrive devant un endroit qui est barré par une corde, comme ça, une grande corde qui barre la rue, qui n'en est plus une d'ailleurs, ça ressemble plus à un cul-de-sac. Et le spectacle commence. Là, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est assez clairsemé. Il y a quelques spectateurs assez chaotiques. Les gens sont assis un peu dans les coins, en hauteur. Il y a quelque chose d'informel. Et là, je ne sais plus quoi faire. Donc je passe en dessous de la corde. Et là, je me dis, à ce moment-là, je me dis, oula, je ne reconnais pas du tout l'endroit. C'est un endroit un peu qui a été aménagé un peu à la do it yourself, avec des rideaux qui ont été mis pour l'occasion, et le sol, c'est de la terre, il y a des flaques d'eau par terre, plein de gens que je connais. Et moi, au milieu de tous ces gens, j'ai pris conscience tout d'un coup que je n'avais rien à faire là. C'était devenu tout d'un coup un gros stress. J'ai donc décidé de m'isoler aux toilettes. Et dans la toilette, les murs de la toilette se sont serrés autour de moi. Donc je ne savais plus bouger. Je prenais plein de papier partout, de papier toilette pour en mettre partout, pour recouvrir la cuvette, le robinet, l'évier et tout ça. Mais la toilette devenait de plus en plus haute. La cuvette était complètement bouchée et sale, vraiment dégueulasse. Et elle arrivait à hauteur de ma tête. Et je sors, je crois que j'ai l'impression que je vais aux toilettes ou quelque chose comme ça. Mais en sortant, je me retrouve vraiment dehors. C'est en plein jour. Et dehors, je me retrouve à passer derrière une barrière en bois où il y a beaucoup de monde. Et donc, en fait, je suis sorti de l'enceinte, sorti de l'entrée. Mais moi, je me rends compte, en fait, à ce moment-là, que j'ai quand même une mission et que je dois être présent. Je me rends compte que là, je ne suis pas du tout au bon endroit. Les danseurs arrivent en rampant sur le sol et ils se collent ensuite à ce fond coloré comme si c'était un rocher et ils essaient de grimper mais ils n'y arrivent pas. Après, ils se lancent dans l'espace de manière assez chaotique et à la fois organisée. C'est très beau. Et au moment où j'ai une sensation vraiment d'extase, les danseurs, tout à coup, ils sortent, ils passent devant moi. Donc, ce que je me souviens, c'est que ces attentats ont eu lieu. Mais moi, je retourne dans le passé, avant les attentats. Et je sais que ces attentats vont avoir lieu, tout bientôt. Mais je le dis à personne. Je garde ça pour moi. Je vis ça avec un certain stress, une certaine anxiété. Et tout ça se passe dans un lieu... une cave comme ça. Une cave en mouvement. Ça, c'est un lieu indéfini, mais plutôt sous terre. Il y a le voisin du dessous qui se pointe mécontent, avec la particularité qu'il n'est pas en trois dimensions, mais en deux dimensions, et que ça nous pose beaucoup de questions. Il y a une querelle avec les décorateurs qui décident de partir Mais Tarasad est assez insupportable et crie. Je sais que il y a cette engueulade, je sais que il galère. Je suis vraiment fâché. Ah, et votre cœur de fille, quand vous serez vieux et un cher astronome, je vais aussi vous confiner, je vais aussi vous faire faire un cœur de fille, un cœur de corps, écrire sur ses sentiments. Ah, c'est nul. Pendant ce temps, moi je cherche la sortie. Et sur les murs, on voit des fresques qui bougent. Plein de fois, c'est horrible. Ces ombres rôdent et m'envahissent. Elles marchent lentement. Une d'entre elles s'approche. Et là, à ce moment-là, moi ce qui m'a frappé, c'est que ça m'a fait penser à un vol d'oiseau qui bougeait dans l'espace de manière chaotique et à la fois ordonnée. Puis au moment où je dis ça, il y a un vrai vol de canards qui passe au-dessus de nous. Je dis, ah, mais c'est juste ça que je ressens. Et là, je sais plus quoi faire. Donc je passe en dessous de la corde. Et là, je me dis, à ce moment-là, oula, je reconnais pas du tout l'endroit. En tout cas, j'arrive pas à faire le lien avec la salle. Je crois que je vais rater le concert. Oui, je vais rater le concert. Nous, les monstres goulures, abâchis contre une guerre, interdites aux créatures, aux formes folles et criminelles, invitons d'autres espèces à faire emploi de leurs atouts, des lambeaux fantastiques, une éclosion statique, d'autres visions sur les couleurs et des odeurs sensuelles. Où se cachent les mutants, les bêtes inventées disparues? Où se cachent les mutants, les bêtes inventées disparues? Un orage acoustique. L'armada morne et morale brise le ciel et découvre le piège. Surprise! Ensemble on braille un texte limpide en petits nombres avariés. Nous débordons d'astuces. Nous débordons d'astuces. Neuf, docteur.